Les cours du Collège de France, astrophysique observationnelle, Antoine Labéry. Donc, nous en arrivons à l'avant-dernière séance pour cette année à Paris. Je rappelle qu'il y aura le 18 juin à Nice une journée de cours et séminaires dans le cadre de l'école CNRS Reconstruction d'images. Base et nouveaux concepts, applications astrophysiques. Donc vous êtes tous invités, si vous vous trouvez par là. Il y a les détails sur ce site. Bon, il s'agit, comme toujours, de discuter comment mieux voir les étoiles, leurs planètes, la présence de vie, éventuellement de vie évoluée, voire civilisée, ça viendra peut-être un jour, donc quelques décennies. Et bien sûr, ce qui est au-delà, les galaxies, l'univers lointain, la cosmologie. Bon, aujourd'hui, je vais parler des premières études, concepts, études de faisabilité pour un grand hypertélescope terrestre, en attendant l'espace, 1000 mètres d'ouverture, et qui pourrait avoir une surface collectrice comparable, voire supérieure, à celle du ELT, c'est-à-dire Extremely Large Telescope, que veut faire par exemple l'Europe, avec un diamètre de presque 40 mètres. Bon, et nous aurons le séminaire par Myriam Benisti, l'Institut Max Planck, sur les régions de formation planétaire révélées par interférométrie. Alors, ce que nous voulons faire, toujours la même chose, je ne parle guère que de ça depuis quelques années, des hypertélescopes, donc voilà cette version agrandie dont je vais parler plus en détail aujourd'hui. Je voudrais remercier l'équipe qui contribue à la construction du plus petit instrument actuellement dans les Alpes du Sud. Et tous ceux, donc il y a des collègues astronomes, il y a des astronomes amateurs, de plus en plus nombreux, qui aident beaucoup. Et il y a aussi tous ceux qui se trouvent dans les parages et qui viennent donner un coup de main, dont nous avons bien besoin. Bon, alors, parlons de cet instrument qu'on pourrait appeler Extremely Large Hypertélescope, pour paraphraser un peu le Extremely Large Telescope que veulent faire les Américains. Donc il y a deux projets américains actuellement de très grands télescopes, un de 20-25 mètres, l'autre de 30 mètres. On ne sait pas encore lequel sera financé. Et puis il y a le projet européen de très grands télescopes qui ferait 40 mètres, puisque l'Europe est en train de monter, elle veut faire un peu plus que les Américains. Et à l'échelle, ce miroir de 40 mètres, miroir mosaïque, le voici pour comparer l'échelle par rapport à celle d'une ouverture de 1 km qui serait ici. Bon, alors, on essaye de chiffrer les choses en se disant qu'en principe, puisqu'il n'y aura pas de coupole géante, on ne pourrait pas faire une coupole de 1 km, on ne peut pas faire une monture orientable de 1 km non plus, donc on s'en passe. Et du coup, on fait des économies, et du coup, on pourrait en principe mettre plus de surface de miroir. Et surtout, à cause du fait que, comme les miroirs sont en petits morceaux relativement espacés, c'est un miroir dilué, ils sont plus minces. Donc il y a moins de verre. Donc ça, c'est une raison supplémentaire pour que ça coûte moins cher. Donc, en principe, il pourrait y avoir une surface collectrice accrue, à prix égal, à coût égal, il pourrait y avoir une surface collectrice accrue par rapport à celle qu'aurait un instrument comme celui-ci. Bon, et donc, en principe, ça donnerait accès à des sources plus faibles sur le ciel, mais en supposant qu'on arrive à mettre tout ça en phase, ce qui est supposé aussi pour ce projet de ELT. Bon. Et le gain en résolution de 1 km par rapport à 40 mètres, ben c'est dans le rapport des diamètres, et c'est donc un facteur 25 à peu près. Alors un facteur 25, c'est énorme pour la science. Vous savez que Galilée, en son temps, avait utilisé une petite lunette qui grossissait 5 fois pour regarder le ciel, 5 fois, c'est-à-dire moins qu'une paire de jumelles qu'on achète chez le marchand du coin actuellement, et que malgré cette modeste amélioration par rapport à l'œil nu, il avait fait quantité de découvertes qui ont eu énormément d'influence à son époque. L'influence n'a pas toujours été bénéfique pour lui-même, mais enfin, ça a été une influence considérable. Alors, la dernière fois, j'ai parlé un petit peu de la science qui sera possible avec ces résolutions plus élevées. Bon, l'une des premières choses les plus faciles à faire, ça va être d'essayer d'observer des exoplanètes qui transitent devant leur étoile, à condition que ce soit une étoile proche, résolue. Donc on peut en principe, si on arrive à mettre en phase, on peut en principe obtenir une image directe qui pourrait ressembler à ça, avec une résolution qui pourrait ressembler à ça. Ça, ce serait pour une exo-Terre. On aurait à peu près un exo-Soleil, pardon. On aurait à peu près cette résolution-là. Avec des bases avec une ouverture de 200 mètres. Et le Jupiter, l'exo-Jupiter de l'exo-Soleil qui passe devant pourrait avoir à peu près cette dimension-là, à peu près un dixième du diamètre du disque. Et l'exo-Terre serait à peu près un centième du diamètre. Et l'exo-Lune tournerait autour à peu près à cette échelle-là. Bon. Donc ça, en principe, ça pourrait se voir, et beaucoup plus facilement que si on essaye de voir les planètes en question après le transit, après ou avant le transit, c'est-à-dire lorsqu'elles sont là, ou là, ou là. Pourquoi ? Parce que si on veut observer là, elles sont éclairées par la lumière réfléchie de leur étoile, qui est extrêmement faible, des millions, voire des milliards de fois plus faible que la lumière de l'étoile. Et on ne peut pas le faire sans avoir un coronographe très performant, ce qui sera possible. En principe, on pourra mettre un coronographe sur un hypertélescope, mais ce sera délicat, ça viendra plus tard. Il faudra une très bonne optique adaptative si ça se fait sur Terre. Les transits, eux, seront détectables beaucoup plus facilement, en particulier sur une grosse planète comme Jupiter, où on aura un contraste important, puisque la résolution correspond presque à celle du diamètre de Jupiter. Alors, pourquoi regarder cela ? Eh bien, notamment pour essayer de faire de la spectroscopie de l'atmosphère de la planète et pour essayer de voir quelles molécules contient son atmosphère et si c'est des molécules éventuellement compatibles avec la vie. Bon, alors, dernière fois, j'ai mentionné brièvement l'observation d'une planète qui serait non pas en transit, mais à côté, dans une position où on pourrait voir un croissant de lune, un double croissant extrêmement fin, dont l'un serait un croissant habituel comme le croissant de lune ou le croissant de Vénus, c'est-à-dire de la lumière réfléchie, rasante, venant de l'étoile vers l'observateur, et l'autre serait un croissant de lumière réfractée par l'effet de prisme de l'atmosphère de la planète. Alors là, j'ai dessiner de façon un peu plus détaillée ce phénomène. Donc voilà votre planète éclairée par son étoile de façon rasante, vue par l'observateur qui est là en dessous. Alors là, vous avez ce rayon-là qui est réfracté par l'atmosphère comme ceci, de 1,5 degré à peu près, si ça se passe comme sur Terre. Et puis vous avez de la lumière qui est diffusée, qui frappe sur la planète de façon rasante et qui est diffusée dans toutes les directions, et en particulier un petit peu vers l'observateur. Et ça, c'est ce qui correspond au croissant habituel qu'on voit sur Vénus ou sur la Lune. Bon, quand on voit un fin croissant sur la Lune ou sur Vénus, c'est qu'elle est presque alignée avec le Soleil. Et c'est cette réflexion diffuse et ce n'est pas très intense. Bon, alors que ici, vous avez seulement de la lumière réfractée, donc de 1,5 degré par l'atmosphère, qui se comporte comme un prisme ici. Et en principe, ça peut être beaucoup plus intense, donc plus facile à voir. Mais ce croissant est extrêmement fin parce que l'atmosphère est extrêmement fine, disons 10 km d'épaisseur à l'échelle d'un rayon de 6000 km sur Terre. Alors, je reviens. Peut-on espérer, en faisant de la spectroscopie, voir des raies d'absorption de la chlorophylle qui se trouverait sur cette planète, chlorophylle ou autre molécule analogue, photosensible, qui se trouverait sur cette planète. Alors évidemment, on se doute que c'est très difficile. Bon, par exemple, ici, il faudrait supposer qu'une partie de cette lumière réfractée est renvoyée vers le sol par des nuages, par exemple. Il pourrait y avoir des nuages en altitude, des cirrus, qui renvoient une partie de lumière vers le sol et qui repartiraient vers les nuages et qui reviendraient par ici. Bon, alors à ce moment-là, oui, on verra le spectre du sol, y compris de la verdure, s'il y a de la verdure, de l'exoverdure, sachant que l'exoverdure peut très bien être rouge. Vous savez que sur Terre, il existe des choux rouges, des algues brunes, et qu'il y a une grande diversité de molécules de chlorophylle prévues pour fonctionner à différentes longueurs d'onde. Bon, et a fortiori sur d'autres planètes. Bon, mais enfin bref, on pourrait voir dans les spectres un petit peu de cette absorption. Bon, alors, a priori, ça paraît très difficile. Ça mériterait peut-être d'être quantifié, regardé de plus près, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et il faudra certainement un coronographe pour ce type d'observation, étant donné la contamination par la lumière diffractée, diffusée, venant de l'étoile. Alors, nous n'en sommes pas encore là, mais l'une des premières choses à faire sera d'observer déjà des grosses étoiles, c'est-à-dire des étoiles résolues par l'instrument, d'essayer de voir leurs détails pour comprendre leur fonctionnement. Alors, tout récemment, a été publiée ces simulations dans le cadre de l'étoile supergéante Bételgeuse basées sur un modèle physique. Bon, Chiavassa et collègues, Chiavassa a fait un séminaire l'an dernier. Ils ont fait un modèle physique de fonctionnement de Bételgeuse où ils confirment la formation de grosses granulations dues à la convection dans l'atmosphère très épaisse, très ténue et très épaisse de l'étoile, avec de temps en temps des événements violents comme sur le Soleil, des points chauds, etc. Et ils ont pris différentes sortes d'interféromètres, hypertélescopes, et ont formé des images de cette source simulée. Des images simulées dans l'ordinateur, des images simulées de la source simulée. Bon, avec différentes configurations. Alors là, par exemple, une configuration avec un chapelet de petites ouvertures. Là, une autre où les ouvertures remplissent l'intérieur, une autre disposition un peu différente périodique, et une autre en forme de Y, comme le radio interféromètre VLA, qui est au Nouveau-Mexique et qui a eu de très beaux résultats, avec 27 antennes espacées de dizaines de kilomètres dans le désert du Nouveau-Mexique. Alors, ils ont d'abord pris... ils ont essayé de jouer sur différents paramètres. Ils ont d'abord joué sur la densification de la pupille. Vous savez que ce qu'on appelle un hypertélescope, c'est un interféromètre FISO, c'est-à-dire c'est l'équivalent d'un télescope devant lequel on mettrait un carton, devant lequel on mettrait une passoire, c'est-à-dire un carton avec plein de trous. Bon, ça donne une image FISO, ça donne une image qui est directement utilisable, mais qui est peu lumineuse. La lumière est mal utilisée. Bon, et l'idée de l'hypertélescope, c'est de densifier la pupille, de reprendre l'ouverture et de la rendre plus dense, ce qui intensifie l'image. Bien, alors, on peut jouer sur le facteur de densification et si pour un objet assez étendu comme ça, si on densifie trop, ça ne se passe pas bien, il y a le champ d'image directe est réduit et l'image est inutilisable. Alors là, il vérifie qu'en densifiant un peu moins, de telle manière que le champ d'imagerie directe correspond à peu près au diamètre de l'étoile, à ce moment-là, on a une image bien meilleure. Bon. Alors ensuite, ils ont joué sur la disposition des ouvertures en utilisant ces différentes configurations-là. Bon, alors ils voient que celle-là et celle-là sont pas mal. Alors ensuite, il faut regarder de près qu'est-ce qu'ils ont, sur quel facteur d'échelle ils ont joué. Bon, ensuite, ils ont joué sur le nombre d'ouvertures. Avec ce type de configuration et ce type de configuration. Alors, avec celle-là, sans surprise, ils constatent que ça marche beaucoup mieux quand il y a plus d'ouverture, d'autant plus qu'en même temps, ils augmentent la dimension totale. Et là, on commence effectivement à reproduire pas mal l'objet. Bon. Alors là, ils ont un très grand contraste dans l'objet source. Ils ont fait exprès de choisir des points ici qui sont très intenses par rapport au fond. Et on voit qu'on a une dynamique suffisante pour imager ça et pour imager quand même le fond en même temps. Bon. Là, ils ont jusqu'à 833 ouvertures, ici jusqu'à 90. Et alors, effectivement, quand il y a plus d'ouverture, c'est encore meilleur. C'est pas surprenant. Bon, et puis ils ont joué aussi sur le bruit de lecture, le bruit de caméra et le bruit de photon. Bon, alors là, ils ont mis un signal sur bruit de 10 et on voit que ça dégrade un petit peu, mais c'est pas catastrophique. Là, ils ont mis du bruit de photon, c'est-à-dire qu'ils ont simulé un objet très faible qui envoie très peu de photons par image. Ici, 2 photons par pixel. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans l'article l'information de savoir combien il y a de pixels par ricelle. Vous savez, le pixel, c'est ce que c'est qu'un pixel. Et le ricelle, c'est en général plus gros que le pixel, et c'est l'élément résolu. C'est ce que résout la diffraction du télescope. Bon. Alors, on voit que, bien qu'il y ait très peu de lumière là, ça reste quand même utilisable. Bon, et puis là, ils ont rajouté un fond de ciel de 10 photons par pixel, et on voit que là encore, ça reste tout à fait utilisable. Donc, ce n'est pas dégradé de façon catastrophique par la présence de bruit. Bien, alors venons-en au site envisageable pour faire hypertélescope géant. Alors, vous avez tous entendu parler du météore cratère en Arizona, qui est un trou résultant de la chute d'une météorite il y a quelques millions d'années. C'est devenu une attraction commerciale. Diamètre 800 mètres, profondeur 170 mètres. Mais c'est trop petit. C'est trop petit pour ce qu'on veut faire, puisqu'on veut faire une ouverture de 1 km. Bon, et puis c'est pas assez profond. Et puis la forme n'est pas bien sphérique. Voilà. Donc, et puis en plus, en plein soleil, dans le désert, ça doit chauffer au soleil et la nuit, il doit y avoir des bulles d'air chaud qui sortent et ça doit être assez mauvais au point de vue de turbulence. Donc, ce n'est pas un de nos candidats préférés. Alors, vous avez aussi des mines de cuivre plus ou moins abandonnées. Celle-là est abandonnée au Nouveau-Mexique. Elle fait 900 mètres de diamètre. Il y a des gradins tout autour, ça c'est bien commode, ça évite de se casser la figure quand on se promène. Mais il y a un lac au fond. Et Google ne nous dit pas s'il y a des larves de moustiques dans le lac. Alors là aussi, on peut craindre que ça chauffe beaucoup au soleil et qu'il y ait de la turbulence. Alors le lac, ça peut être agréable si on peut s'y baigner. D'un autre côté, s'il faut mettre des miroirs sur le lac, c'est pas forcément très commode. Donc, ce n'est pas non plus un des candidats préférés. Alors, il y a des mines de cuivre, il y en a en différents endroits, en particulier au Chili. D'ailleurs, au Chili, elles polluent pas mal le site européen qui se trouve pas loin de là, dans le désert d'Atacama. Et là aussi, il y a des grands trous qui seraient éventuellement exploitables, mais pour l'instant, ce n'est pas non plus un candidat préféré. Bon, et puis alors, si on va se balader dans l'Himalaya, ce qui est très facile avec Google, et c'est très agréable, on a l'impression de se sentir en vacances, on voit de hautes vallées plus grandes, plus profondes, plus larges que celles des Alpes. Et par exemple celle-ci, qui est assez proche de l'Observatoire national indien qui est en construction un peu plus à l'est, qui semble assez intéressante parce qu'elle a la bonne orientation, elle est orientée est-ouest. Vous savez qu'il faut être orienté est-ouest pour qu'on puisse observer, mettre des miroirs comme ceci et observer l'étoile lorsqu'elle transite, tout en conservant du débattement vers le nord et vers le sud pour observer différents objets et avoir une bonne couverture du ciel au cours de l'année. Bon. Alors, cette partie de l'Himalaya a l'air quand même un peu éloignée du célèbre nuage de pollution chinois. Ça, c'est un nuage de pollution dû au charbon et autres choses en Chine. Enfin, ça, c'est plutôt vers l'est de la Chine. Et il faudrait vérifier si les vents dominants n'ont pas tendance à l'emmener un petit peu vers l'Himalaya, qui est beaucoup plus loin par là. Alors, ce site, ce secteur de l'Himalaya est un peu protégé des moussons. Il a un climat relativement sec, parce que ce n'est pas la première chaîne de montagne, c'est la deuxième chaîne à partir de l'océan Indien et de l'océan. L'altitude du fond de la vallée, c'est 4000 mètres. Les crêtes atteignent presque 6000 mètres. Donc 2000 mètres de profondeur, ce qui pourrait être intéressant pour tendre un câble et suspendre une caméra, mais en fait, ce n'est pas assez. Il y a une belle pancarte de bienvenue, là, ce qui est encourageant. C'est une zone bouddhiste. Alors, on ne sait pas encore si le bouddhisme peut tolérer qu'un hypertélescope vienne saccager une belle vallée. Et il y a déjà une route non goudronnée, mais enfin une route, et ça, c'est très intéressant pour faire des essais. Bon, alors nous en arrivons au détail du système. Alors d'abord, nous allons avoir des centaines ou des milliers de petits miroirs. Pourquoi petits ? Parce que la théorie dit qu'il vaut mieux avoir, à surface donnée, il vaut mieux avoir des miroirs petits et nombreux que gros et pas nombreux. Ça échantillonne mieux l'onde optique et ça permet d'avoir une image plus riche, ayant une meilleure dynamique, et donc d'avoir plus de science. Et c'est très sensible. On gagne énormément en science si on diminue le diamètre des miroirs. Bon. Alors, les collègues qui font de l'infrarouge, quand je leur dis ça, ça les inquiète parce qu'ils me disent « Ah oui, mais si on prend des petits miroirs, à cause de la diffraction, on va recueillir sur la caméra plus de contamination par le fond de ciel émetteur d'infrarouge. » J'essaie de les convaincre que si on fait le calcul, non, la réponse est non. Ça ne contamine pas plus, c'est équivalent. Pour l'infrarouge, on peut prendre des miroirs petits, nombreux, arbitrairement petits. Alors évidemment, pour des raisons économiques, on n'a pas intérêt à les prendre trop petits à cause des supports, parce que si on prend des miroirs de 1 cm, eh bien, c'est pas la peine de mettre un gros support comme ça dessous qui va coûter plus cher que le miroir. Donc il faut harmoniser la dimension des miroirs à celle des supports. Pour l'instant, dans l'UBAI, nous avons choisi 15 cm, mais on pourrait décider de prendre plus grand, comme ça. Enfin, ça, c'est un point à déterminer. Donc, chaque miroir est posé sur trois vis micrométriques qui permettent de l'orienter parce qu'il faut qu'ils soient tous des petits morceaux d'une sphère géante. ou d'une parabole géante. Et puis, il faut, donc, pour orienter chaque miroir, et aussi jouer verticalement pour qu'il colle bien sur la sphère géante. Bon. Alors, le problème, c'est que ces belles vallées, elles ne sont pas sphériques ni cylindriques. On essaie de trouver ce qui s'approche le plus, mais il peut y avoir des écarts de 10, 20, 30, 100 mètres, voire plus. Et il ne serait pas raisonnable de faire des tripodes qui fassent 100 mètres de haut, même au-delà de 10 mètres. 10 mètres, ce serait un problème, ce serait trop cher, ce serait pas assez stable. Surtout si on veut avoir des tripodes nombreux et serrés, ce serait trop cher. Bon, donc c'est peut-être pas la bonne solution. C'est ce que nous faisons pour l'instant dans l'Ubaye. On peut imaginer en mettre une centaine comme ça, à condition que ce soit pas trop haut. Mais si c'est trop haut, il faut trouver autre chose. Alors, on trouve des fabricants qui vendent des tripodes pour faire des antennes de radio, etc., qui sont très commodes à installer. Ça prend un quart d'heure. Le tube, là, est en petit... Il y a une espèce de tripode. Il y a un tube qui est en petits morceaux qui se raboute. Alors, ça se monte comme ça. On monte les morceaux un par un, on le raboute et on peut monter jusqu'à 15 mètres de haut, comme ça. Bon. Alors, c'est amusant, mais ce ne serait pas assez stable pour porter avec une précision de l'ordre du micron un miroir là-haut. Et donc, si on voulait utiliser ce genre de choses, il faudrait asservir. Il faudrait rajouter des moteurs, des asservissements, des senseurs, etc. Alors, non, ça sera peut-être de toute façon d'asservir parce que si le calage manuel est insuffisamment stable, on sera obligé d'asservir. Alors, vous savez que la logique de ces miroirs géants vient des radioastronomes qui ont construit à Arecibo, dans l'île de Porto Rico, dans une cuvette naturelle, un miroir de 330 mètres formé de plaques d'aluminium qui a une précision de l'ordre de 1 cm, sphérique plus ou moins 1 cm. Et ces plaques d'aluminium sont portées par une espèce de hamac ou de filet de câble qui viennent s'amarrer sur les bords, sur les crêtes au-dessus de la cuvette là-haut. Et on peut se promener dessous. C'est à 2-3 mètres du sol, selon les endroits. Et apparemment, c'était une très bonne solution. C'est toujours une très bonne solution. Vous savez qu'il y a eu un prix Nobel d'astrophysique qui a récompensé les résultats d'observation de pulsars avec ce miroir qui est le plus grand du monde, en fait, et 330 mètres de diamètre. Et pour obtenir la forme à 1 cm près, il a fallu rajouter, après la construction, il a fallu rajouter par-ci, par-là, là où il y avait des bosses. Chaque endroit où il y avait une bosse, ils ont rajouté un petit câble. Ils ont planté un piquet dans le sol en dessous, ils ont mis un petit câble avec un petit tendeur pour ajuster la bosse, en quelque sorte, pour effacer la bosse. Bon, donc vous en avez un là, vous en avez un autre là. Et alors, ce qui est amusant quand on se promène dessous, c'est que cette structure qui pèse des centaines de tonnes, si ce n'est pas des milliers, si on l'attrape à la main et qu'on tire dessus, ça vient. Ça vient, ben, c'est parce que l'équilibre entre les forces tangentielles et latérales fait que finalement c'est assez sensible aux forces radiales. D'où le fait qu'il suffit de petits câbles ici pour effacer les bosses qu'il peut y avoir localement. Bon, alors dans la même logique, alors un intérêt de ce genre de structure, c'est qu'on s'affranchit de la topographie. En gros, il faut une cuvette, mais si la cuvette n'est pas régulière, ça n'a pas d'importance. Bon. Alors, si on voulait, en optique, faire le même genre de choses, on serait obligé de l'améliorer un petit peu pour avoir une précision non pas d'un centimètre, mais de quelques microns, disons. Et puis, bien sûr, on ne pourrait pas, en optique, couvrir l'ensemble de miroirs optiques parce que ça coûterait trop cher. Miroir optique coûte beaucoup plus cher au mètre carré que la tôle d'aluminium. et ce serait dilué, c'est-à-dire qu'il y aurait des petits miroirs optiques aussi nombreux que possible, mais il y aurait des intervalles entre les miroirs. Bon. Mais il faudrait que l'ensemble de ces miroirs soit sur une même sphère ou une même parabole, plus ou moins un micron. Et si c'est une parabole, il faut que cette parabole soit déformable pendant l'observation, de manière que son axe de révolution pointe toujours vers l'étoile qui se déplace dans le ciel. Donc à ce moment-là, il faut forcément motoriser et asservir pour imposer cette déformation. Alors, c'est ce que veulent faire maintenant les Chinois. Ils ont entrepris de construire un radiotélescope de 500 mètres, genre Arecibo de 500 mètres, mais actif. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une sphère passive, ils font une sphère passive, mais ils rajoutent plein de petits moteurs pour rajouter sur cette forme sphérique une légère déformation de 1 mètre verticalement, mais une déformation baladeuse. Une formation qui se balade tout doucement sur la surface, comme une espèce de vague. Imaginez une espèce de tsunami de 1 mètre de haut qui avance tout doucement sur la surface pendant l'observation pour transformer la sphère en parabole, et une parabole qui constamment est pointée vers l'étoile. Bon, alors c'est joli comme technique, mais ça demande beaucoup de moteurs. Alors, il y a des grands panneaux triangulaires en aluminium qui sont posés sur le filet. Là, ils sont reliés à leur coin par des attaches. Et à chaque attache, il y a un moteur relié à une tige qui relie au sol et qui tire localement pour créer la déformation voulue. Bon, et ça, c'est asservi et ça crée cette déformation en continu pendant l'observation. Bon, alors on voit toutes ces tiges là, qui sont plus ou moins longues selon les endroits du sol où le sol approche plus ou moins de la surface. Vous voyez. Voilà. Donc dans cette logique-là, on pourrait aussi faire une variante optique. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme tolérance? Alors voilà un élément de miroir qui pourrait être grand comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Et voilà les tolérances. Alors, comme ceci, pour les déplacements comme ceci, c'est quelques microns. Bon, idéalement, si on était dans l'espace, s'il n'y avait pas d'atmosphère, on essaierait de faire un dixième de micron. Un dixième de micron, parce que vous savez que traditionnellement, la tolérance de bosselage sur un miroir en optique, c'est un huitième de longueur d'onde, ce qui donne un quart de longueur d'onde sur l'onde à cause du double passage, et ce qui est la tolérance de Rayleigh. Rayleigh avait dit en son temps, pour qu'une optique soit bonne, il faut que les bosses fassent moins d'un quart de longueur d'onde. Les bosses sur l'onde fassent moins d'un quart de longueur d'onde. Au-delà, ça se dégrade trop. Bon. Alors, mais sur Terre, il y a l'atmosphère qui déforme l'onde. Il y a les bulles d'air chaud, etc. Ça ralentit la lumière qui traverse une bulle. Et l'onde qui en sort est déformée avec des bosses qui font un micron ou quelques microns, typiquement quand la turbulence est bonne. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de faire mieux. Pour essayer de faire mieux, il faut mettre de l'optique adaptative, mais au niveau des miroirs, on peut se contenter dans un premier temps de régler leur position verticalement à quelques microns près. Bon, latéralement, si le miroir se déplace de millimètres ou même de centimètres, ça n'a aucune espèce d'importance, c'est absolument pas gênant. Absolument pas gênant, ça ne fait que déplacer un tout petit peu les pupilles et c'est pas gênant. Bon, angulairement, si le miroir s'incline de quelques secondes d'arc, voire une seconde d'arc, ou une fraction de seconde d'arc, c'est déjà gênant. Donc c'est très serré comme tolérance. Pourquoi ? Parce que si le miroir se met un peu de travers, eh bien, il renvoie la lumière, le rayon de l'étoile en rouge, vers la caméra qui est au foyer commun de tous les miroirs. Et si le miroir s'incline légèrement, eh bien, ce rayon va être dévié, et la contribution de ce miroir-là dans l'image où toutes les images sont superposées, toutes les images dans tous les miroirs sont exactement superposées. Ces images, typiquement, font, par exemple, une seconde d'arc de diamètre. Si on incline de quelques secondes d'arc, eh bien, cette contribution sera décalée et les images seront mal superposées. Bon, et ça, c'est mauvais. Donc la lumière ne peut pas interférer si les images sont mal superposées. Bon, donc la tolérance angulaire, c'est de l'ordre de la seconde d'arc. Bon, donc il faut comme support, si c'est un trépied ou autre chose, il faut qu'il soit une mécanique assez rigide, pas un trépied photo ordinaire en tout cas, pour avoir cette précision. Vous savez qu'une seconde d'arc, ça correspond 5 microns à 1 mètre. Si vous déplacez le bout d'une tige de longue de 1 mètre de 5 microns, ça vous fait une seconde d'arc. Bien, alors, voilà, donc quelques microns et les faibles erreurs d'orientation affectent la superposition focale, il manque un des images. Bon, alors, l'idée, si on fait un système genre Arecibo ou genre chinois, là, c'est de faire un espèce de filet en câble qui pourrait ressembler à ça, et à chaque nœud, on mettrait un miroir. Bon, mais comme il faut un Arecibo, il faut aussi améliorer la précision en tirant par rapport au sol. En supposant que le sol soit rigide, il faut rajouter au moins un câble, et de préférence, par exemple, 3, avec un système de vis micrométrique qui permet de positionner finement le miroir par rapport au sol en jouant sur la flexibilité du filet. Bon. Alors, c'est ça que j'ai regardé un petit peu plus en détail pour voir si c'est jouable. Si c'est jouable en optique. Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Voilà, donc ça, c'est la même chose. Donc, ça ressemblerait à quelque chose comme ça. Vous avez ce filet, vous avez les miroirs aux intersections, et à chaque intersection, vous avez 3 tiges. Alors, plutôt que des câbles, il vaut mieux prendre des petites tiges minces aussi rigides que possible, par exemple en fibre de carbone, qui a aussi le bon goût d'avoir une dilatation nulle si on s'y prend bien. Et vous reliez ça au sol, un piquet planté dans le sol, et avec un système de vis micrométrique qui permet d'une part d'orienter, d'autre part d'agir en hauteur, sur la hauteur du miroir. Et puis vous pouvez rajouter des petits manchons en plastique léger pour éviter le vent, pour éviter l'effet du vent, là, pour que le vent ne se coupe pas les tiges. Et ce qui secourait évidemment tout. Bon, alors, on peut faire de la mécanique. Bon, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et j'ai pu faire un essai des vibrations pour voir à quel point est-ce qu'on peut éviter à quel point peut-on être stable, peut-on espérer éviter les vibrations qui sont toujours la plaie des interféromètres. C'est tellement sensible, un dixième de micron, c'est tellement vite venu que, vous savez, vous avez un interféromètre dans un laboratoire, à l'autre bout, vous tapez sur le plancher comme ça, vous voyez les interférences qui vibrent, c'est extrêmement sensible. Bon, donc la question était, est-ce que le vent, même s'il est très faible, risque de perturber la stabilité? Bon, alors pour ça, j'ai tendu un câble entre deux maisons, j'ai mis un miroir accroché au câble ici, relié au sol par 3 tiges en fibre de carbone qui devaient faire 5 ou 6 mètres de long, diamètre 6 mm. Et pour sonder optiquement le mouvement du miroir avec une très grande précision, j'ai pris un petit laser et fait un interféromètre de Michelson. Alors, c'est-à-dire un système comme ça, où vous avez une partie du rayon laser qui arrive sur le miroir et qui revient vers le laser. Et vous avez une autre partie qui réfléchit sur le côté par une séparatrice et qui vient taper sur un autre miroir qui, lui, est fixé à la maçonnerie dure et rigide de la maison, et qui revient là et interfère avec le premier. Et en mettant une caméra qui reçoit la lumière des deux rayons qui reviennent, vous avez des interférences qui sont extrêmement sensibles au déphasage entre cette lumière-là et cette lumière-là, c'est-à-dire au mouvement et donc au mouvement vertical de ce petit miroir. Et donc, c'est un moyen de sonder la tolérance très critique sur la hauteur du miroir. Alors, voilà une petite vidéo qui montre ces interférences par vent faible. Malheureusement, il me manquait un anémomètre pour connaître la vitesse du vent. Alors, on voit que ça bouge. On voit que ça bouge, mais ça bouge finalement moins que ce que fait la turbulence atmosphérique sur une grande longueur. Et donc, ça semble acceptable. Alors, bien entendu, l'asservissement d'optique adaptative qui sera nécessaire à certains stades corrigera la turbulence atmosphérique et pourra en même temps corriger ça à condition que ce ne soit pas beaucoup plus rapide que la turbulence atmosphérique. D'autant que ce mouvement-là, en plus, peut être surveillé par un laser avec le même montage et l'observation du mouvement peut être prise en compte dans l'asservissement. Alors, on peut arrêter ça et essayer de mesurer quantitativement les déplacements en regardant le mouvement des interférences. Il y a une pause toutes les 40 millisecondes. C'est comme ça qu'on peut en déduire la comparaison par rapport à la turbulence de l'atmosphère. Bien, donc, cette voie de faire un filet très stable, amélioré par rapport à ce que font les radioastronomes, a l'air jouable. Bon, alors, autre problème, il faut suspendre la nacelle focale. Dans le cadre du très grand hypertélescope, les crêtes de chaque côté de la vallée ne vont pas être assez hautes pour tendre un câble à une hauteur suffisante pour mettre la nacelle focale. Bon, actuellement, dans l'Ubaï, ça va. La caméra est à 100 mètres au-dessus du fond, et ça suffit. On pourrait même la monter à 150 ou 200 mètres. Mais dans le cadre d'un système beaucoup plus grand, les vallées ne sont pas assez profondes. Bon, alors, il y aura une autre solution qui a été expérimentée à l'Observatoire d'Haute-Provence sur le petit hypertélescope prototype par les collègues Julien De Jong et Hervé Le Corollaire, qui consiste à suspendre la caméra à un ballon captif à hélium, qui là est à peu près 100 mètres plus haut, et qui porte ici une nacelle. Là, on voit un rétro-réflecteur. Bon, et ça marche. Alors évidemment, le ballon est extrêmement sensible au moindre vent. Typiquement, quand on observait le ballon ici, alors il est nettement plus haut que la plateforme pour atténuer un peu les oscillations, et le ballon se déplaçait de plus ou moins 10 mètres. Bon, et malgré ça, grâce au hauban qui stabilise la plateforme, on arrivait à une stabilité de l'ordre de 3 mm sur la plateforme, ce qui était suffisant. Et ce qui a été suffisant, ça a permis d'obtenir des interférences sur une étoile, avec une stabilité à peu près acceptable. Bon, donc ça, ce serait éventuellement utilisable, mais ce n'est pas commode. C'est pas commode parce que faut un très gros ballon pour porter un très gros ballon, sachant qu'un mètre cube de ballon porte un kilo à peu près avec de l'hélium. Ça coûte cher en hélium parce que ça fuit, il faut en remettre. Et ça coûte cher en temps de manutention parce que le ballon, il faut le protéger. Il faut le protéger du mauvais temps, il faut le protéger des rafales, il faut un énorme hangar et il faut le rentrer et le sortir du hangar, ce qui est toujours long et pénible. Bon, et puis si jamais il y a une rafale qui se déclenche au cours de la nuit pendant qu'on travaille, ça tourne vite à la catastrophe. Vous savez que dans l'histoire de l'aéronautique à l'époque des ballons, les zeppelins, etc., il y a eu un certain nombre de catastrophes comme ça Un jour, il y avait un ballon et puis, qui était attaché, amarré au sol sur son aire d'atterrissage. Puis un orage qui est arrivé et il y a eu des rafales et le ballon, il a rendu l'âme rapidement, même sans incendie. Et puis encore tout récemment, il y avait le docteur Étienne qui avait construit un grand ballon pour survoler l'Arctique. Et ce ballon était amarré pour faire des essais. Il l'avait amené en Provence sur l'aérodrome de Fayence où il avait amarré un solide crochet. Et les gens s'étaient inquiétés, les gens du coin s'étaient inquiétés que s'il y avait un coup de Mistral qui arrivait, ça arracherait tout. Il a dit non, non, mais le Mistral ne rentre pas à cet endroit-là, pas de problème. Le lendemain, il y a eu un coup de Mistral terrible, ça a tout arraché, et le ballon n'était plus qu'un tas de ruines, et il a renoncé à son truc. Bon, donc c'est toujours un problème, la protection d'un grand ballon. Bon, et puis il y a d'autres problèmes auxiliaires. Par exemple, le ballon risque de cacher l'étoile pour les miroirs qui sont en dessous. Et puis l'hélium qui fuit risque de changer l'indice de l'air. Ça peut faire une autre forme de turbulence. Alors, une autre solution serait d'avoir un engin volant, un hélicoptère par exemple, qui tire dessus. Alors, ça n'a pas besoin d'être précis, parce que ce qui donne la précision de la position de la nacelle, ce sont les haubans obliques qui servent à la positionner et à la déplacer. Vous savez que chacun, il y a 6 haubans qui sont tendus par des petits moteurs asservis pour déplacer tout doucement la nacelle qui suit le mouvement de l'étoile. C'est grâce à ça qu'on peut avoir un grand miroir fixe. Mais il faut quand même quelque chose qui tire verticalement pour soulever, mais cette chose qui tire verticalement peut être élastique. L'élastique sert simplement à donner une force à peu près constante verticale. Bon, alors ça peut être un hélicoptère, mais l'hélicoptère, il va faire de la turbulence dans le faisceau, et puis il fait du bruit, et le bruit, c'est des vibrations, et les vibrations, ça fait vibrer les interférences. Bon. Alors, une autre solution serait de mettre deux petits avions électriques, si possible, en vol circulaire, sur un même cercle, en opposition de phase. Là, il y en a un qui est représenté, un deuxième ici, chacun a un fil, ils tourneront dans le même sens, si possible, et ça tire verticalement. Bon, mais en y réfléchissant, je me suis dit qu'un seul doit suffire. Effectivement, si ça c'est une espèce de pendule, un pendule d'un kilomètre de long, c'est une période d'oscillation de 60 secondes. Et si l'avion fait un tour en moins de 60 secondes, ce qui veut dire une vitesse de l'ordre de 60 km/h, eh bien les effets latéraux qui tendraient à déplacer la caméra sont filtrés mécaniquement par le pendule. Et donc, ça devrait pas avoir d'effet. Donc, on peut avoir une force, une position à peu près régulière, contrainte par les câbles obliques, avec un seul avion électrique qui tournerait comme ça en rond. Bon, et puis lui, il pourrait être autour du faisceau, donc il ne ferait pas de turbulence. Le faisceau de l'étoile, il vient là. Voilà. Alors, pour voir si c'est vrai, j'ai fait un instrument de test extrêmement perfectionné, que voici. Alors, je vais essayer de faire tourner le point d'attache pour voir si la bouteille peut rester fixe. Alors, il faut le faire tourner assez vite. Oula, j'ai pas encore le coup de main. Oh, ça marche pas bien. Il faut arriver à tourner plus vite que la période du pendule. Voilà. Enfin, si y en a parmi vous que ça inspire, je vous invite à essayer. Alors, parmi les derniers gadgets qui semblent intéressants pour ça, il y a les avions électriques. Alors, les avions électriques, d'habitude, ils ont des batteries, mais là, il n'y aurait pas besoin de batteries, parce qu'on peut mettre deux fils électriques qui passent là et là pour alimenter. Et puis, il y a les avions à ailes battantes. Et ça, c'est très à la mode. Il y a des groupes au Canada, notamment, qui font des prototypes d'avions à aile battante. Ils disent que c'est l'avenir, que c'est plus efficace que les hélices, que ça permet de décoller sur des terrains plus courts. Enfin, ça a toutes sortes d'avantages. Mais c'est plus difficile à faire. Bon, alors, donc, première conclusion pour aujourd'hui. Oui, on peut imaginer ce qui permettrait de construire et faire fonctionner un hypertélescope de 1000 mètres. Bon, cette vallée pourrait convenir, mais on en trouvera peut-être d'autres meilleures. J'invite ceux d'entre vous qui s'amusent à en chercher dans l'Himalaya et dans les Andes. Dans les Andes, il semble y en avoir moins que dans l'Himalaya. J'ai regardé un petit peu. Et le miroir primaire serait donc dilué, bien sûr, sphérique ou parabolique, sur un filet stabilisé. Et les nacelles focales, alors il peut y en avoir plusieurs, plus le contribuable est content parce qu'il voit que son argent est mieux utilisé. On peut faire plus d'astronomie avec le même miroir primaire. Et la suspension des nacelles serait par ballon ou par drone, hein, ces petits avions motorisés, les militaires appellent ça des drones. Mais il reste à prospecter par Google Earth ou en allant sur place. Enfin, la bonne technique, c'est probablement de repérer déjà sur Google Earth et ensuite éventuellement d'aller voir sur place les endroits intéressants. Et là, il y a encore pas mal de travail à faire pour comparer les avantages et les inconvénients des différents sites. La semaine prochaine, je vais terminer sur ce point en parlant de la mise en phase adaptative des différentes techniques possibles. Étoile guide laser, c'est pour arriver à faire cette mise en phase adaptative, même sur des étoiles trop peu brillantes, pour alimenter les senseurs d'ondes, et donc des étoiles très faibles, et ce serait essentiel pour vraiment rentabiliser un instrument comme ça. Bon. Et puis, sur les points difficiles de ce genre de projet. Et puis, sur la comparaison avec l'espace. Alors, évidemment, l'espace est beaucoup mieux, à beaucoup de points de vue, mais ce sera plus long à faire. Et donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on peut faire comme science en attendant les versions spatiales. Bon, et puis nous aurons le séminaire d'Evelyne Alessian sur les magnétosphères des étoiles massives. Je vous remercie. Nous avons le temps pour quelques questions. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.